l'intrigue rebondit avec l'arrivée du jardinier du château. Il vient demander au comte de faire mettre des grilles aux fenêtres par lesquelles, dit-il, on jette toutes sortes de choses, et tout à l'heure encore, on vient d'en jeter un homme. Et pour le jardinier, cet homme, c'était Chérubin. Alerté par le bruit qui s'est fait dans la chambre de la comtesse, Figaro est survenu et, entendant les plaintes du jardinier, prétend être l'homme que le jardinier a vu sauter de la fenêtre. Le jardinier lui remet alors le papier perdu par l'homme qui a sauté par cette fenêtre.